Mark M. Dan, archive.org. D'après, vie et œuvre de l'admirable docteur mystique le bienheureux Père Saint-Jean de la Croix, traduction faite sur l'édition de Séville de 1702, publiée par les soins des Carmélites de Paris, librairie religieuse Houdin 1893, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Chapitre 15. De la nuit obscure de la volonté, entrée en matière, preuve tirée, l'une d'un passage du Deutéronome, et de David, division des affections de la volonté. Il serait inutile d'avoir purifié l'entendement par la foi, et la mémoire par l'espérance, comme nous l'avons indiqué au chapitre 6 du deuxième livre, si l'on ne cherchait encore à rectifier la volonté pour l'enflammer des feux de la charité. Par la charité, en effet, les œuvres faites à la lumière de la foi sont vivantes, et acquièrent un grand prix. Sans cette vertu, elles n'ont aucune valeur. Saint Jacques ne dit-il pas, sans les œuvres de la charité, la foi est morte. Jacques 2, 20. Or, quand il s'agit de traiter du dépouillement et de la nuit active de la volonté, pour arriver à l'établir dans cette vertu divine de la charité, je ne trouve aucune citation plus opportune que ce passage du Deutéronome. Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toutes vos forces. Citation 6, 5. Ces paroles renferment tout ce que l'homme spirituel doit faire, et tout ce que j'ai à lui enseigner ici, pour l'amener sûrement au port de l'union dont la charité est le moyen. Ce commandement lui fait un devoir rigoureux d'employer toutes ses puissances, ses opérations, ses affections et ses tendances même, au service du Seigneur, en sorte que toute la capacité et toute la force de l'âme soient appliquées à lui seul. Suivant la pensée du roi prophète, je conserverai ma force pour vous. Psaume 58, 10. La force de l'âme réside dans ses facultés, dans ses passions et dans ses désirs, maintenus sous le gouvernement de la volonté. Donc, lorsque celle-ci les dirige vers Dieu, et les éloigne de tout ce qui n'est pas lui, on peut dire avec justice qu'elle réserve sa force pour le Seigneur, car elle l'aime dans toute l'étendue de sa puissance. Pour aider l'âme à atteindre cet heureux terme, nous allons traiter ici de la purification de la volonté et des affections déréglées, qui l'empêchent de consacrer toute sa force au souverain bien. Les affections ou passions sont au nombre de quatre, la joie, l'espérance, la douleur et la crainte. Les rapporter à Dieu par un exercice raisonnable, c'est se réjouir purement de son honneur et de sa gloire, et ne mettre qu'en lui seul son espérance, c'est s'affliger de ce qui le blesse, et n'être frappé que de la crainte de lui déplaire. N'est-il pas évident qu'agir de la sorte, c'est faire converger toutes ses forces vers Dieu, tandis qu'au contraire, plus on se complaît dans les choses créées, moins on concentre sa joie en Dieu, plus on s'appuie sur un autre objet, moins on établit son espérance sur son Créateur, et ainsi des autres passions. Pour mettre plus en lumière cette doctrine, nous parlerons séparément, selon notre habitude, des quatre passions de l'âme et des appétits de la volonté. Tout le travail de la vie intérieure consiste précisément à purifier la volonté de ses affections et de ses appétits, et à diviniser ainsi cette volonté, grossière et toute humaine, par l'accord parfait qui existe entre elle et la sainte volonté de Dieu. Les quatre passions exercent sur l'âme un empire d'autant plus grand, et lui livrent une guerre d'autant plus cruelle, que la volonté est moins fortement établie en Dieu, et plus dépendant des créatures. L'âme prend alors très souvent sa joie en des choses où il n'y a aucunement lieu de se réjouir, elle espère en ce qui ne lui procure aucun avantage, elle s'afflige de ce dont elle devrait peut-être se féliciter. Enfin, elle craint sans aucun motif de frayeur. Les passions désordonnées engendrent dans l'âme tous les vices et toutes les imperfections, tandis que, réglées et bien dirigées, elles peuvent produire toutes les vertus, il est bon d'observer que si l'une d'elles se plie au joug de la raison, toutes les autres se modèrent dans la même mesure, car ces quatre passions sont sœurs, et unies entre elles par des liens étroits, là où l'une se porte actuellement, les autres tendent virtuellement, réprimer l'une, c'est affaiblir les autres, si la volonté, par exemple, se réjouit à la pensée d'un objet quelconque, aussitôt elle en espère la possession dans la même proportion, et la crainte ou la douleur de le perdre se fait sentir inévitablement, renonce-t-elle à cette joie, soudain elle voit disparaître la douleur et la crainte, et s'évanouir l'espérance. Les quatre passions de l'âme peuvent être symbolisées par la figure des quatre animaux, qu'Ézéchiel vit réunis en un seul corps. Ils avaient chacun quatre faces et quatre ailes, les ailes de l'un étaient jointes aux ailes de l'autre, ils ne retournaient point en arrière lorsqu'ils marchaient, et chacun d'eux allait devant soi. Citation 1, 8, 9. De même que les ailes des animaux mystérieux étaient étroitement liées ensemble, ainsi ces passions sont inséparables, en sorte que si l'une tourne sa face, c'est-à-dire son activité, vers un objet, les autres s'y dirigent aussi, et si l'une s'élève ou s'abaisse, les autres suivent la même direction, donc, là où se porte actuellement l'espérance, la joie, la crainte et la douleur y tendent virtuellement, et il en est ainsi de chacune des autres passions. Sachez, ô âme spirituelle, que si vous donnez cours à un de vos appétits déréglés, toutes vos puissances se dirigeront vers le même but et deviendront esclaves de ce tyran. À leur tour, les trois autres passions puiseront une recrudescence de vie dans le développement de la première, pour opprimer l'âme et l'empêcher de s'élever au repos de la contemplation, et aux douceurs de l'union. Voilà pourquoi le poète Boès s'écrit, « Si vous voulez avoir une connaissance bien nette de la vérité, éloignez de vous la joie, l'espérance, la crainte et la douleur, aussi longtemps que ces passions régneront en vous, elles ne laisseront pas l'âme jouir de la tranquillité et de la paix, que requiert la sagesse naturelle ou surnaturelle. » Boès, Patrologia Latina, Migne, tome 63, page 656. Chapitre 16. De la première affection de la volonté, de la nature de la joie et de la distinction des objets dans lesquels la volonté se réjouit. La première des passions de l'âme et des affections de la volonté, c'est la joie. Dans le sens que nous lui donnons ici, c'est une certaine satisfaction produite dans la volonté, jointe à l'estime d'un objet qui lui paraît avantageux. La volonté, en effet, ne se réjouit jamais, si ce n'est des choses qu'elle apprécie, ou qui lui procurent du plaisir. Je parle ici d'une joie active, c'est-à-dire le sel que l'âme éprouve librement, avec une connaissance claire et distincte de l'objet qui en est la cause. Il existe aussi une joie passive, où la volonté jouit sans comprendre explicitement la raison de sa jouissance, et à laquelle il n'est pas en son pouvoir de se livrer ou de se refuser. Nous parlerons plus tard de celle-ci. Pour le moment nous nous entretiendrons de la joie active et volontaire, qui a pour objet les choses claires et spéciales. Six sortes de biens peuvent causer de la joie, les biens temporels, les biens naturels, les biens sensuels, les biens moraux, les biens surnaturels, enfin les biens spirituels. Étudions-les par ordre, en nous efforçant de régler la volonté à leur égard d'après la droite raison, afin que, libre de toute entrave, l'âme puisse mettre en Dieu seule l'expansion de sa joie. Il est bon de donner à cette doctrine un fondement, qui est comme le bâton de voyage sur lequel nous devrons toujours nous appuyer, et aussi le flambeau qui devra éclairer ses enseignements, et nous diriger vers Dieu. Au milieu des jouissances que nous offrent ces différents biens, voici ce principe, La volonté doit placer sa joie uniquement en ce qui regarde l'honneur et la gloire du Seigneur, et le plus grand honneur que nous puissions lui rendre, c'est de le servir d'une manière conforme à la perfection évangélique. Hors de là, tout le reste n'est d'aucun profit à l'homme spirituel et n'a aucune valeur.